Un 9-5-7. Un 9-8-9. Tu es parti un jour de septembre, elle n'avait que 4 ans. Tu l'as baisée et laissée en cendre. T'es parti loin, elle était trop jeune pour comprendre. Mais sans toi, elle vit vraiment dans la souffrance. À l'amour de sa mère. Je t'aime. Tu me manques. Je t'oublierai jamais. T'es qui alors? Aujourd'hui elle t'appelle. Que t'entends sa voix, elle est si belle, elle est toujours love de toi. Écoute-la, regarde-la, vas-y, soutiens-la. T'es son seul ange qu'elle respecte en bas. Elle se défonce à faire tomber les murs pour que toi de là-haut. Tu la vois avancer, redescend sur terre, pour qu'elle serre contre elle, pour éclairer son chemin de lumière. Car sans toi, il y a un manque de père. Oui, sans toi, c'est vraiment le désert. Papa, je t'aime.